The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Attention! This show may contain explicit lyrics. Attention, certaines paroles de chansons dans cette émission peuvent être inappropriées pour certains auditeurs. Bonjour, you're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2, brought to you by Bonjour Minnesota and French and Fiances Radio Show Therapy. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Hello, bonjour, this is Freddy Latit Ideal. This selection of songs is coming from Adrien Carretero, who has been co-hosting Bonjour Minnesota with Romain and myself since about 2017. There are some classics, but there's also a lot of new ones. It's a good mix. Allez, on y va. First, we're going to listen to Bleu Soleil with the song Soleil Bleu, or Blue Sun, featuring Louisa. Then we're going to listen to Chime with AC and If. Then Oscar Anton with Nouveau Monde, and it's pretty recent. Sous les étoiles, sous la lune en feu. aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Si c'est peut-être aujourd'hui, ce sera sûrement non demain. Et les liens se déchirent et les miens s'éparpillent, comme la fin de saison marque le début de l'exil. Seulement si tout était pour la vie. Et si seulement si nous étions ainsi. Comme si on pouvait arrêter le temps et faire qu'un instant dure éternellement. Comme ces montagnes de fond où l'éclat d'un diamant. Juste une photo de toi. Aujourd'hui, aimeras-tu demain? Qu'allons-nous bien pouvoir se dire si l'on se serre la main? Et comme les feuilles de l'automne, tout s'en va et tout revient. Et ma chanson est naïve, mais elle me fait du bien. Et si seulement si c'était pour la vie. Et si, seulement si, nous étions ainsi. Comme si on pouvait arrêter le temps et faire qu'un instant dure éternellement. Comme ces montagnes de fer ou l'éclat d'un diamant. Juste une photo de toi et moi. Et tout si on ne craignait rien, si l'on pouvait d'un coup de crayon dessiner nos lendemains, si l'on avait tout, si seulement on savait tout. Et si on savait tout, si on ne craignait rien, si l'on pouvait d'un coup de crayon dessiner nos lendemains, si l'on avait tout, si seulement on savait tout. Seulement si tout était pour la vie. Et si seulement si nous étions ainsi. Comme si l'on pouvait arrêter le temps et faire qu'un instant dure éternellement. Comme ces montagnes de fer ou l'éclat d'un diamant. Juste une photo de toi et moi. Je rêvais d'un monde nouveau, sans excès cette fois, plutôt plus courtois, un monde bien plus beau. Je l'ai déjà vu mille fois, mais jamais sans toi. J'ai cru qu'on était bien ensemble, que rien n'était plus important. C'est d'être face aux choses qu'on n'oublie pas. Mais dis-moi, dis-moi qu'il n'est jamais trop tard. Perdons la mémoire, j'y crois. Moi, je rêvais d'un monde nouveau. Seulement tous les deux. Ouais, je rêvais d'un monde nouveau. Seulement amoureux. Regarde comme on est bien ensemble. Regarde comme tout s'éclaire ensemble. Viens, on laisse les sourds. S'aime comme avant.

que la tienne, je ne cesserai jamais de chanter pour toi. Tu comprendras un jour que les fleurs sont plus belles quand tu les arroses. Tu m'as coupé tellement de fois. Si tu veux, je pars. It was Serge Lama with D'aventure en aventure, then Indila with Boîte en argent, and Zoémy with Voyage or Travel. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Barbara Pravi, who did a good performance at the Eurovision Song Contest with a different song. The song we're going to listen to is Prière au rêve, Prayer to the Dreams. Then we're going to listen to the Franklin Electric with Tu reviendras, You will come back. And Maître Gims with Est-ce que tu m'aimes, Do you love me? Dis, est-ce vraiment toi, mon amour? Ou est-ce que je rêve encore de ta peau, de tes mots? Couché contre moi, non, ne te réveille pas. Écoute, la nuit s'achève. La rumeur du dehors, comme un souffle, se glisse par la fenêtre. Dors dans mes draps, reste un peu dans ce rêve où l'on danse, où l'on court, où nos cœurs font la trêve. Donne-moi encore un peu de tes mots, de ton cul, de tes bras, encore un peu de toi. Va pas, t'en va pas, j'aimerais que durent les heures, que les aiguilles retiennent le son de nos voix. Donne-moi encore un peu de tes mots, de ton cul, de tes bras, encore un peu de toi. Va pas, t'en va pas, j'aimerais que durent les heures, que les aiguilles retiennent le son de nos voix. Jusqu'au jour que s'éternise le rêve, ta présence, ton absence, tout se mélange, tout s'en mêle. Au moins, alors, si c'est pas nous, dis-moi, sur quelles lèvres déposerai-je le goût de ma langue, de mon sel, de ma fièvre? Dors, j'oublierai que je t'ai aimé, demain ce sera flou, et enfin je saurai que je t'ai encore, encore rêver. Des pensées dans le froid, déjà trop loin de toi. Tu courais tout le temps, un jour tu reviendras. reconstruire notre histoire et tout ce qu'il reste de moi. D'ici là, je t'attends. Je sais que tu reviendras. Tu reviendras. Je sais que tu reviendras. C'est comme un mauvais rêve. C'est noir, ça ne finit pas. Tu penses que tu t'en sors, mais les mauvais temps sont froids. De quoi fait demain? Le mien ne fait de rien. Seul le temps me le dira. Mais j'espère tu reviendras. Tu reviendras. J'espère tu reviendras. Est-ce que t'es allé jusqu'au bout, où tous les chemins te ramènent à nous? Est-ce que tu as trouvé ta place, où tu t'es fondu dans la masse? Mais attends-moi, mais toi t'es où? Ne m'oublie pas, je crois en nous. On tourne la page, on quitte ensemble. J'espère que tu reviendras. J'espère que tu reviendras. Tu reviendras. Tu reviendras. J'espère que tu reviendras. Tu reviendras. Je sais que tu reviendras. Je sais que tu reviendras. Je sais que tu reviendras. Est-ce que tu reviendras? Si je t'aimais à ta ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. It was Barbara Pravi with Prière au rêve, then the Franklin Electric with Tu reviendras, and Maître Gims with Est-ce que tu m'aimes. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Chloé Long with Notre Amour, Our Love, featuring Écran Total, then Francis Cabrel with Je pense encore à toi, I still think of you, maybe it was in a dark house, I don't know, and Adriano Selva with Amore Ciao, Goodbye Love. Ce que la nuit délaisse, c'est notre amour, notre amour. Ton corps là dans les draps, ce jour qui n'est plus là. Ce que la nuit ignore, notre amour, ce souffle dans nos corps, notre amour, dans nos corps, notre amour. Ma vie est un bateau, notre amour, sans mal.

It was Chloé Lang with Notre Amour, featuring Écran Total. Then Francis Cabrel with Je pense encore à toi. And Adriano Selva with Amore Ciao. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Eva sur scène with a cover song called Une belle histoire, a pretty story. Then a classic with Edith Piaf with Padam Padam. And Joan Papaconstantino with a cover from Christophe called Les mots bleus, the blue words. And it's a way to say that these words are romantic. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au port du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Il savait le ciel emporter les mains, un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser à lendemain? Ils se sont cachés. S'emportaient par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants, ils s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute toujours chance.

subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles. Eva sur scène with Une belle histoire, then Edith Piaf with Padam Padam, and Johann Papa Constantino with Les mots bleus. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the francophone, francophile community highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to a song from the electronic band called Air with La Femme d'Argent. And it's for Moon Safari, the 25th anniversary. Moon Safari being their first album. And they had a very big success with it. Then we're going to listen to Clara Luciani, who was also part of the band La Femme, but not anymore. Because the song we're going to listen to is La Grenade, or The Grenade. And it's from her album Sainte Victoire from 2019. And then we're going to listen to Charlotte Cardin from Quebec, but who lives in France, with the song Feel Good. And it's from her album Une Semaine à Paris, A Week in Paris. Thank you.

feel good. La main sur ma tête, tu sens le dans le taxi. C'est vraiment super sexy. You make me feel nice. Ton kissant every time. J'y ai pensé mille fois. If you want me, dis-moi. You make me feel good. It was Air with La Femme d'Argent, then Clara Luciani with La Grenade, and Charlotte Cardin with Feel Good. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to a band called Fantasy Dub with a song called Deso, probably short for Désolé, or sorry, featuring Rachel Fanan. Then we're going to listen to Jacqueline Taieb with a song from the 60s, Bientôt tu l'oublieras, Soon you'll forget about him, and Aimé Simone, who's a fantastic writer and singer, and will be at the Olympia in November 2025 with the song Shining Light from his album Say Yes, Say No from 2020. Don't be It was Fantasy Dub with Dezo, featuring Rachel Fanan, then Jacqueline Taieb with Bientôt tu l'oublieras, and Aimée Simone with Shining Light. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Deluxe with De Ton Côté, On Your Side. Then Andrea Bocelli with Vivo Pere featuring Hélène Segarra. Parce que la vie est trop courte pour n'en avoir.